Hello, let's go, let's go, let's go, let's go! C'est parti! Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, vous êtes sur Goodbye Kevin, la plus grande fête Radio Campus. La plus grande fête foraine de la bande de femmes. Émission 221e de Goodbye Kevin. Et pour ma part, mon cher Pierrot, on commencera l'émission avec un groupe aux... Oh, je t'ai même pas demandé comment ça allait. Oui, ça va. Bon, bah, très place bien. À la musique, place au cirque. Donc on commencera avec un groupe aux accents Britpop et Manchester. Après ça, on écoutera un duo hip-hop expérimental d'hip-hop expérimental et d'acide électro. Puis, qu'est-ce qu'on ira écouter ? On écoutera ensuite une pop expérimentale, là encore, mais crotrock, et qui nous vient de Chine. Puis, direction Londres, avec un groupe de dream pop psyché. Et pour finir, l'Allemagne, et ses sonorités post-punk et no waves, un peu en mode début des années 80. Eh bien, c'est un programme plutôt planant, même dans différents styles. Moi, ça sera un peu plus énervé, ou plus calme, mais plus pop. On va écouter un extrait du premier album d'un des membres des Grizzly Bear. Puis après, on va partir en Australie, je dirais un de plus. Ensuite, on va écouter du son anglais venant de Belgique. Puis on retournera dans les années 90 avec un groupe américain. Et enfin, on finira par une ambiance sonore. Super. Bah, je te propose d'écouter tout de suite Shady Baby. C'est le projet musical de Sam Lever, artiste basé à Brighton. Alors, inspiré par la Britpop et le Manchester, lui, il a commencé à composer pendant le confinement dans sa chambre, frustré de ne pas pouvoir sortir. Ensuite, il a envoyé ses démos à Théo Vernet, qui est le producteur du groupe Tram. T-R-A-A-M. Oui, ça me... oui. Notamment, et ça a matché tout de suite. Et donc, ils ont fait un petit tour au studio, ils ont enregistré tout ça. Il s'est entouré d'un ami d'enfance à la guitare et d'un mec croisé pas mal lors des concerts de la scène locale à la batterie. Et voilà, tout simplement, ça a fait ce groupe. Donc, ils n'ont pas encore sorti d'album, mais ça devrait pas tarder. En attendant, moi, je te propose d'écouter leur premier single qui est sorti le 18 mai sur le label Nice Swan Recordings. Et le morceau en question s'appelle Come to Life de Shady Baby. Distance on everything, breathing. C'était Shady Baby avec Come to Life. Et puis si t'as pas compris qu'ils étaient anglais, je sais pas ce qu'il te faut de plus en fait. Ouais, ça fait très Britpop. Mais oui, ouais, ça met de bonne humeur, j'aime bien, c'est bien. C'est un bon morceau pour ouvrir l'émission, je trouve. Carrément. Et on va enchaîner avec un groupe, le membre d'un groupe, un groupe célèbre, les Grizzly Bear. Oui. Qui a bien marché sur la scène indé, un peu moins leur dernier album. Enfin bref, c'est pas très grave. Daniel Rosen, il sort son premier album qui s'appelle Jubilingsair, premier album solo. Il avait déjà sorti un EP il y a quelques années. Et là, il le sort chez Warp Records, j'allais dire Wrap, comme les petits sandwichs. Et là, c'est un album plus introspectif qui se présente un peu sous la forme de journal intime. Il a 39 ans, du coup, il se pose beaucoup de questions, notamment son changement de vie avec la parentalité, le côté aliénant, mais le côté qui apporte beaucoup de choses. Tu vois, du coup, il écrit sur ça et sur sa vie, quoi. Il est à un tournant. Comme tous, à un moment, on prend le virage, on tourne à droite, à gauche, puis voilà. Si vous n'avez pas votre permis, excusez-nous pour les private jokes. Bref, un album plus introspectif où c'est pas la même chose que Grizzly Bear, mais on retrouve quand même beaucoup de Grizzly Bear parce que juste la voix en fait. La voix c'est lui. Ah, et donc c'est lui, c'est... du coup, ouais. Ouais, donc on retrouve cette patte assez fortement. Et donc, j'en dis pas plus, on va écouter le morceau Shadow in the Frame, qui est ma foi, c'est du Grizzly Bear un peu plus triste, un peu moins sophistiqué, mais on a quand même toutes ces harmonies qui étaient dans Grizzly Bear. Ça reste un très bon album. Daniel Rosen. Yeah. Daniel Rosen et son album Jubileum Xer, un album où vous avez entendu, ça rajoute de la contrebasse, du piano moins électrique que peut-être le Grizzly Bear. Mais très Grizzly Bear quand même. Oui. Bah oui, hein, c'est normal. Hein. Eh bien, moi je voudrais te présenter Deimos Room. C'est un duo de hip-hop expérimental et d'acide électro composé d'Elijah Minnelli et de Jerry Kahn. Ils font partie du programme Future Bubblers, programme de découverte de talents développé par Jace Peterson et Bronzewood Music notamment. Alors j'ai pas beaucoup plus d'infos les concernant, mais je te propose d'écouter leur dernière sortie, single qui s'appelle Coins, en featuring avec King Nut, et c'est sorti le 29 mars dernier. Donc Coins, tout de suite de Deimos Room, feat King Nut. Give me coins. Give me coins. Give me coins. Hemisphere, any sphere disappear. Up a finger, lap a ghost, when he veer. Miniature, mini chair, mini chair. Mental monitor, in the rears. I'm buzzing in calm for the civilians. I'm drinking up joy for the millions. I've got a big picture, I'll just colour in. I'm in the old neighborhood discovering. Took a different route with the same destination. I breathe new life into an old vocation. Work cause I love it, not just satiation. In love with my race, not just my nation. Stay, living my life from a patient place. It's never divisive, it takes all day. I'm ever decisive and state my case. I'm great, I say. Find a liner notes, home alone and comatose. Let's see on a coat, in a bosom multiple. Everyone is vulnerable, everyone is honorable. Everyone's attentive, apprehensive, but they're vulnerable. Safe pair of hands, unstable wrist though. She's wearing bands, she's on the list though. Argues with man, seems to insist so. Now in her socks, confused with dismissal. You're blocking my passages with your formal wear. Cuffling corridors and abnormal chairs. Call it cantilever, it's across the bear. I'm laying down the law, I'm soaring unaware. Choral desires, voices and choirs. Speak to the higher, beings entire. Fitting perspire, sweat out the bias. Remorse from the source, now you own an empire. Gluttony, gluttony, mutiny, nothingy. You should use cutlery, currency. J'entendais plus ma voix qu'autre chose, donc c'est pas vrai. C'est pas très grave. On m'a entendu ? Pas du tout, mais on a entendu un peu de fond sonore qui était du Michel Affaire. Eh ben parfait, donc on vient d'écouter Deimos Room, feat King Nut avec le morceau Coins. Voilà, voilà. Eh ben on va partir sur un style un peu plus énervé, mais avec un peu de voix. Quoi, je sais pas, que là c'était un peu déstructuré, un peu expérimental. Mais il y avait de la voix aussi, exactement. Oui. Ouais. On était là-dessus. On va partir avec le groupe Clam, qui est composé de Jack Summers, de Miles Harding et de Macy Everett, qui se connaissent depuis longtemps, le lycée, ils ont fait un groupe qui a été encensé par la critique australienne, ils ont même été nommés aux Australian Music Prize en 2020. Et donc en fait, eux ils sont originaires de Melbourne, c'est normal, en Australie c'est la scène rock, ça vient de Melbourne, où il y a le plus de groupes qui sortent dernièrement. Et donc... eux, ils viennent de signer chez Meat Machine et leur album, il a été masterisé par Mick and Young, qui est un peu l'homme qui masterise tous les groupes de Melbourne, avec 95%. À ne pas confondre avec Michael Youn. Exactement, parce que là, ça serait un morning live. Et donc là, on est sur cet album Busy Chmi, sorti chez Meat Machine. On est sur un groupe qui se mélange entre les Idols, Viagra Boys, Fontaine D.C. J'ai lu Crack Cloud, mais bon... peut-être pour le côté un peu foufou de Crackwood, ouais. Ou un peu déconstruit. Mais en tout cas, je vous propose d'écouter deux morceaux de cet album, Liar et Repress, deux morceaux assez courts, environ dans les 2 minutes, mais incroyablement efficaces. Liar, Clam, Liar, et mais c'est Clam avec deux M. Donc Goodbye Kevin. We'll be right back. Énervé, c'est bien. Ouais, bah Claim avec l'album Beseech Me, on retrouve bien l'énervement qu'on peut retrouver chez les Idols. Eh bien parfait, on redescend un peu d'un cran avec mon prochain groupe qui s'appelle Naja Naja. C'est un duo post-punk basé à Pékin, en Chine, hein, pour ceux qui sont nuls en géographie. Ils sont des Pékins en géo. Ils ont sorti leur début EP fin avril via Wharf 4 Records, ça c'est pour la partie USA, et Bier Records en Chine. Niveau sonorité, on est sur des morceaux de pop expérimental avec une basse crotte rock et une ambiance un peu rétro-futuriste, rien que ça quoi, voilà. C'est très chouette, c'est un de mes coups de cœur de la semaine, donc je vais te proposer d'écouter le morceau qui s'appelle Running Dog, Floating Elephant de Naja Naja. Naja Naja avec le morceau Running Dog, Floating Elephant. Voilà, j'aime beaucoup. T'en as pensé quoi ? Ah, j'ai beaucoup aimé. Ah bah ouais, bah voilà, moi aussi. Non, j'ai bien aimé. C'est sympa. Sympa. Sympa, merci. J'ai même testé en off de faire comme si on était sur du rock français. Oui, bah voilà. Bon, bref. Mais j'ai... Vous avez raté un grand moment. Bon, je suis un compositeur à mes heures perdues. On part tout de suite pour l'Amérique et le Japon. Et non, on part en Belgique. Mais pour un groupe qui peut faire des sons anglais, on va écouter les Sons, groupe belge, qui avait été repéré par Studio Bruxelles et Rock Verture en 2018. 98, c'est trop loin. en 2018 et ensuite leur album a été produit, leur album Sweet Boys, par un par Michael Badger Tawil, un gars qui travaille avec les King Gizzard. Voilà, rien que ça. Et donc au final ça fait un album avec des guitares assez assez fortes, une batterie qui ça joue fort aussi. La basse ça joue fort, le chanteur il chante fort mais tout ça en nuances. Avec il y a un côté très chaud mais très pro en même temps qu'on pourrait retrouver un peu dans les Last Train mais beaucoup plus rock. C'est assez puissant, moi je trouve qu'il y a un côté assez rock anglais chez ces Belges avec même la fougue des débuts des Arctic Monkeys mélangé un peu avec les Slaves. C'est un beau, c'était beau compliment que tu fais là, Pierrot. Mais j'ai bien aimé l'énergie en tout cas. C'est ce qu'on retrouve dans le morceau Nothing qui est choisi de vous passer. Ils sont chez Pias. Dans Goodbye Kevin avec le morceau Nothing. Eh bien, on parlait d'Angleterre, on y retourne avec un groupe qui vient du sud de Londres. Donc ils sont cinq copains. Et après avoir passé pas mal de soirées alcoolisées, à fantasmer sur la création d'un groupe, ils ont décidé de mettre en suspens leur groupe respectif, parce qu'ils jouaient tous, pour se consacrer entièrement à leur nouveau projet, Margot, avec un T, pardon. Et là, on est plutôt sur de la dream pop, du néo-psychédélisme, donc pas du tout aussi énervé que ce qu'on vient d'écouter. Et ils s'inspirent de groupes comme les Real Estate, The War on Drugs, Beach House, etc. Donc clairement pas même délire. Depuis 2018, ils ont sorti une collection de morceaux, enfin pas mal de trucs assez chouettes. Et là, ils viennent de sortir leur premier EP qui s'appelle Inertia. Il s'est sorti le 13 mai sur le label Full Time Hobby. Moi, je vais te proposer d'écouter deux morceaux. Donc, le premier qui s'appelle Fame et le deuxième qui s'appelle Wait For You. Alors, comme d'habitude, je vous passe celui pour lequel j'ai une légère préférence en deuxième parce que j'aime bien que vous restiez là-dessus. Donc, c'est Fame, c'est Margot tout de suite. How about what about the intro? Yeah. C'était le groupe Margot avec les morceaux Fame et Wait For You. Donc voilà, on est très sur de la dream pop. Voilà, voilà. Et bon, on va rester un peu sur cette douceur, une douceur différente qui est très pop. On va écouter les Bleachers, les gradins en anglais. Bleachers, c'est le leader d'un groupe dans les années 80-90, un groupe qui s'appelait Fun, qui a reformé un album. Et ils font un son qui se situe, ça va être plus une période chronologique, fin des années 80, début années 90, mais très pop, assez dansante, assez feeling good. Et ils ont sorti en septembre dernier un album qui s'appelle Take the Sadness Out of Saturday Night. qui est assez cool. C'est un groupe qui est du New Jersey, qui est très connu aux États-Unis, très peu en France. Et on pourrait les mettre entre Bruce Springsteen et Arcade Fire. Ça tombe bien puisque Bruce Springsteen intervient sur cet album, notamment dans le morceau que j'ai choisi de vous passer qui s'appelle Shine Night Ton. Et il y en a un deuxième qui s'appelle 45 ou 45 si on est fort en anglais. Tout de suite, Bleacher et un peu de Bruce Springsteen. perfect stranger in the hallways of my heart. Cause all the blessings are somebody else's. The flowers in my neighbor's pot. I'm torn exactly into two pieces. One who wants you and one in your door. But I'm still inside. You're fast and she. Always holding your love supreme. Oh, 45. Spinning out of time. But honey, I'm still on your side. All my hopes are finally gonna waste me. Am I the worst compass I could hold? Took the bus across the bridge. Sold my bedroom from my home. It's these ghosts in the music. For the endless road from the past. But while you're playing at the 90s, they're coming up anything that lasts. But I'm still inside. Oh, your fast machine. Oh, always holding. C'est très américain, mais ils le font bien, un peu comme les burgers. Super, super comparaison. On change de style, hein, voilà, et je vais te présenter le groupe allemand Onion aujourd'hui. Onion avec un Y. Alors eux, ils viennent de Leipzig et ils font du post-punk. Et ils ont rejoint cette année la grande famille Trouble in Mind Records pour notre plus grand bonheur. Leipzig, yes. Alors, à l'occasion de cette signature, Trouble in Mind a décidé de rééditer leur début album, initialement sorti en cassette sur les labels Flennen et U-Back. On est sur du post-punk, comme je l'ai dit, aux accents No Waves du début des années 80, et c'est ça, c'est très marqué. Ça va forcément vous parler. Donc du coup, le premier morceau qu'on va écouter s'appelle Window Shopper, et le deuxième s'appelle Click. Et c'est parti avec le groupe Onion, du coup. Click, click. Oh, c'était le groupe Onion, et je me suis trompée, en fait, le premier morceau qu'on a écouté s'appelait Click, et le deuxième c'était Window Shopper, et pas l'inverse. Ouais, mais on a reconnu le titre. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est facile quand ils le disent souvent. On va rester un peu dans la même veine, on va enchaîner mes deux derniers morceaux. On va écouter en premier Piep Bloom, groupe des Pays-Bas. On va écouter un single qui est sorti en 2017 chez Nice One, avant qu'ils soient connus et qu'ils sortent leur album sur un gros label qui était Vinny Records. On les avait passés il y a longtemps en plus, oui, donc voilà, on y retourne. Un petit coup de reviens-y, comme on dit. Et on va écouter après un morceau du groupe Space Africa, ou une réédition qui a été faite sur le label Days Records, réédition qui s'appelle Honest Labor, sortie en 2021, qui rend hommage à ce duo de Manchester, qui sort un peu... c'est une compile de 19 morceaux, et chaque morceau, c'est une ambiance, un style... c'est pour ça que je te disais, il y avait un côté sound design, oui, en introduction. C'est qu'il y a un côté très ambiante. Voilà, c'est plus à l'écoute, donc ça sera très bien pour terminer cette mission. Donc Piep Bloom en premier, et après Space Africa avec le morceau Meet Me à Sachaz. Et nous, après, on se dit à la semaine prochaine. Non, Léna ? Ah oui, si, à la semaine prochaine, pardon, je pensais qu'on pourrait reparler après, mais... C'est fini. Ok. Allez, au revoir. Thank you.